Bonsoir, Ratis. Tu arrives quand le soleil se couche. C'est que j'ai pas mal volé. Deux jours. Oui, bon, d'accord, mais reste où tu es, s'il te plaît. J'aime pas quand tu t'approches trop de moi. J'ai peur que tu me mordes. Et tu as raison d'avoir peur. Mais prends pas trop pour une cave. Mais non, Ratis, j'oserais pas. Une cave, c'est là où tu ranges des choses sous une maison. Et les bas effouiches, Pierre Jean Grégoire. Ouais. Où qui sont les bas effouiches, hein? Bah, à vrai dire, en fait, voilà. Ils sont à Éole. Éole. Là où il y a le grand conseil. Le vieux César, Voltaire, Éole. Dis, j'ai un peu faim. Pioche dans mon armée, Hugo. C'est un plaisir. Mais tu repars aussi sec et retrouve-moi les baïfouèches. D'accord, d'accord. Et surtout, ramène-les-moi vivants. Je veux leur technologie. Nous étions le seul moyen pour Ratis d'accéder à la technologie. Nous étions les seuls Baefwish qu'il était en mesure d'attraper. Et ça, j'en prenais tout juste conscience. La nuit était tombée depuis quelque temps déjà, et après avoir dormi quelques heures, nous repartions en quête du laboratoire des humains, là où peut-être nous pourrions trouver le remède à la maladie des rats, la maladie qui tuait Mila. C'est encore loin, Bender ? Mais à vrai dire, je sais plus trop, je sais que c'est plus au nord. Ouais, je crois que je m'en souviens aussi. Quand Bender m'avait montré le labo, on avait mis 2 ou 3 jours pour y aller. Ça fait une semaine aller-retour. J'ai levé la tête vers les grands arbres. La cime était si haute, si lointaine, je n'étais jamais monté à une si grande hauteur depuis que j'étais dans le Nouveau Monde. Et les quelques fois où je m'étais trouvé en haut de l'arbre du Conseil, je ne puis que constater la petitesse des choses et... Squeak, tu réfléchis là ou quoi? La hauteur. Quoi la hauteur? Tu veux grandir, c'est ça? Plus on monte haut, plus tout nous paraît plus petit, non? Ben ouais, mon gars. Et alors? De toute façon, où qu'on aille, on reste les plus petits. Je te rappelle qu'un Baefwish, ça mesure 5 cm maxi. Bender, quand tu voles, tu parcours de plus longues distances plus rapidement, je me trompe? Non. D'autant plus que je suis la chauve-souris top bien, et ça, mon gars, t'en trouveras nulle part ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire, Squeak? En plus, moi, perso, je vous dis tout net, hein, mais je préfère voler parce que marcher avec mes petites pattes de merde, c'est galère. Booz, si on monte sur le dos de Bender et qu'il nous fait voler, on ira 2 fois plus vite. Bender! Hey, sérieux, moi plus je te connais, Squid, plus je te kiffe, parce que rien ne me ferait plus plaisir que de vous envoyer en l'air. Oh, enfin, c'est une façon de parler, bien entendu. Vous voulez bien monter sur mon dos? Allez, juste un petit peu, y a rien de sexuel. Squid, moi, j'ai un peu le vertige. On ira 2 fois plus vite, Booz, 2 fois plus vite. Alors, je crois que j'ai pas le choix. Mais je sais que je vais crier de peur une fois en haut. Mais non. Mais si. Mais non. Oh si. Oh. Restez bien accrochés, les enfants. Bonjour à tous, bienvenue sur la Bender Duncan Airlines. Les passagers sont priés d'attacher leurs ceintures et de bien entendu éteindre leurs cigarettes. Notre voyage durera le temps qu'il faudra. On est haut là quand même. Normal, tu voulais voler, oui ou non? Oui. Alors on vole, mon gars. On vole. Nous survolions la forêt. La forêt. Ce n'était plus qu'un tapis vert et tout autour de nous, le ciel, comme un dôme sombre, parsemé d'étoiles et une lune gigantesque sur laquelle passaient quelques nuages. Nous volions. Nous étions les premiers Baefwish à voler.